l'hiver sans frais à nous torcher. Sommes-là, calme et paisible, tout en buvant une gorgée. Vas-y mon vieux, encore un coup. Ne t'inquiète pas, tu tiendras le choc. Même si tu ne tiens pas debout, tu te sentiras dur comme un roc. Mais qui pourra nous empêcher de siroter et de rêver? Mais qui pourra nous empêcher de siroter et de rêver? Une autre bouteille vient de s'écouler. Ça commence bien à tourner. Dans nos têtes, c'est embrouillé. Ça commence bien à nous astiquer. Les dernières gouttes sont les plus lourdes. Les muscles sont flasques et fatigués. C'est vraiment dur, une biture. Quand demain il faut travailler, mais qui pourra nous empêcher de siroter et de rêver? De s'amuser et de recommencer. Ambiance d'un soir mouvementée. Ambiance d'un brouillard de fumée. Ambiance d'une soirée alcoolisée. Ambiance d'un lendemain très fatigué. Au début, tout est tranquille. Les verres sont prêts à nous torcher. Nous sommes là, calmes et paisibles, tout en buvant une gorgée. Mais qui pourra nous empêcher de siroter et de rêver? Mais qui pourra nous empêcher de s'amuser et de recommencer?